Victor Segalen était écrivain, grand voyageur et breton, ce qui fait trois raisons de vous plaire. Et voilà que Segalen entre dans la collection de la Pléiade, alors qu'il y a un siècle, au moment de sa disparition, il n'était connu que de quelques-uns. En mai 1919, le médecin de marine Victor Segalen, 41 ans, basé à Brest, est en congé au Helgat, au centre de la Bretagne. Un endroit où, au milieu des arbres, abrutis, c'est bien ça? Oui, abrutis. À fleurs, venues d'une lointaine genèse, d'étranges blocs de granit qui peuvent former des chaos. Un jour, Segalen ne rentre pas de sa promenade. On le retrouve dans une mare de sang provenant d'une blessure à la cheville gauche qu'il aurait pu conjurer. Suicide, possiblement, mais mis en scène d'une telle manière que sa femme a pu le présenter comme un accident. Être compris de quelques-uns sans s'exposer aux autres et ensuite infuser longuement l'imaginaire de ceux qu'il aime. Voilà, c'était assez le style de Segalen. Un homme qui détestait l'anecdote. Et oui, il préférait les cycles au long cours. Alors le premier l'a mené en 1903 en Polynésie. Il était venu secourir les victimes d'un cyclone qui, aux Marquises, avait laissé debout la maison de Gauguin qui venait juste d'y mourir. La maison, dit Segalen, avait été vidée par les liquidateurs comme un bulbe de cocotier par les crabes de terre. Et à la misérable vente organisée ensuite à Papette, Segalen avait acheté pour 4 francs 6 sous 3 panneaux de bois et 7 toiles, dont le village breton sous la neige. Segalen, c'est la Bretagne par l'ailleurs. Dans le centre culturel du Huelguat, en fait, c'est l'ancienne école des filles du village. Il est écrit à son sujet « La Bretagne parle ailleurs ». Aux Marquises, dont la population s'étiolait, creusée par la phtisie et la syphilis, les Marquisiens élancés, disait Segalen, ont failli disparaître. Segalen avait écouté les voix très vieilles qui soufflaient comme des conques fendues. Ce furent les immémoriaux. Publié à 82 exemplaires, on n'est pas encore au style Pléiade, en 1907. Il s'apprêtait alors à partir en Chine. En apprenant la langue, il en rapportera deux œuvres marquantes, Stèle et René Laës. Entre 1909 et 1914, il y passe l'essentiel de son temps. C'est l'époque où l'Empire, le plus grand qu'il y ait eu sous le ciel, s'effondre en 1912. Mais il reste les tombeaux des souverains qu'il visite. Les souverains qui ont parfois enterré les lettrés qui auraient pu témoigner d'époques antérieures à la leur, ils les assassinaient. Hein. Et c'est eux maintenant qui sont recouverts par le présent. Segalen, qui a trouvé en Chine son lieu et son milieu, parcourt interminablement le pays. C'est sans doute l'écrivain français qui a passé le plus de temps à cheval. Il descend aussi le Yangtze en bateau. Le fleuve, c'est un de ses plus beaux textes, connaît l'aventure où il court et s'y prépare. Ce qui se passe en aval est aussitôt connu en amont. Selon lui, plus que la mer, c'est le fleuve qui nourrit l'inspiration poétique. Le fleuve et la montagne. En 1914, il est d'ailleurs parvenu à la lisière du haut plateau du Tibet mystérieux quand il apprend d'un missionnaire que l'Europe est à feu et à sang. Il lui sera donné l'ordre de convoyer dans un bateau 1200 travailleurs chinois enrôlés de force pour rejoindre la France en guerre, travail qu'il dégoûtera. Ensuite, il exercera à l'hôpital de Brest, rencontrant la grippe espagnole après avoir connu la peste en Chine. Et c'est pour soigner son mal à l'âme qu'il s'est réfugié dans un hôtel du Huelguat en mai 1919. Notez que le Huelguat se situe, vous le savez peut-être pas, dans un paysage de montagne. De montagne. Il y a de la montagne en Bretagne. Montagne noire, mont d'Arrée, et c'est un musée géologique. Segalen, c'est bien plus un géologue qu'un médecin. Ce qu'il retient, c'est, vous savez, la faille temporelle qui soudain va casser une couche homogène, un filon de même nature. Et alors, il s'y installe pour faire parler ce qui a été interrompu. Il est dans l'ordre des choses qu'il soit mort au Huelguat, dans la forêt qui aurait pu être celle de Brocéliande, adossé à un rocher qui témoignait d'un vieux mouvement du sol, d'un de ces arrière-mondes qui survivent au plus profond. C'est bien de finir un journal d'actualité avec un homme qui ne compte qu'en millénaires et qui était le plus étranger qui fut à l'actualité. C'est vrai que nous étions partis bien loin et c'était bien agréable. Les deux volumes des œuvres de Segalen dans la Pléiade sont publiés sous la direction de Christian Doumet. Si vous ne savez pas quoi m'offrir pour Noël, Jean, je n'ai jamais lu de Victor Segalen. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est un pari qui sera tenu.